banquet athénien par Hippolyte Lucas. Bourguignon était un peintre de mérite. Il avait de la composition, du dessin, de la couleur. Il réussissait très finement le portrait et l'on recherchait ses paysages. Mais, comme beaucoup d'artistes, il croyait que se mettre au-dessus de toutes les convenances morales et sociales, c'était montrer une grande supériorité d'intelligence. Il appelait préjugé tout ce qui était consacré par le temps et par la conscience universelle. Il faisait l'esprit fort. Il se moquait de Dieu aussi bien que des hommes. Il n'épargnait pas même les femmes, quoiqu'il fût sensible à la grâce et à la beauté. La foi lui manquait en tout. On se doute bien qu'affichant de tels principes, il ne menait pas une vie des plus régulières, et que son atelier, fréquenté par un grand nombre d'élèves des deux sexes, n'était pas précisément une école de bonne éducation. Comme il gagnait beaucoup d'argent, et que la dépense flattait son orgueil, il donnait des fêtes splendides, c'était son plaisir favori, des fêtes où il attirait le tout Paris des premières représentations et des champs de course, et dont s'occupaient les journaux bien informés, d'autant mieux informés que la plupart du temps, il rédigeait lui-même les articles qui le concernaient, car il maniait la plume à l'égal du pinceau. Son atelier consistait en une salle oblongue entourée de tapisseries flottantes qui masquaient des couloirs, où se dérobait parfois la vue des curieuses du grand monde poussé par le désir d'assister au bacchanal dont il était si fier. L'intérieur de cet atelier était garni de tout ce qu'il avait pu rassembler de rare chez les marchands de bric-à-brac ou à l'hôtel des ventes, dont il était un hôte assidu, ainsi que de différents objets rapportés de ses voyages. Tous les animaux de la création y figuraient, comme dans l'arche de Noé. À vrai dire, ils étaient empaillés, mais il en avait fait poser un grand nombre sur des ressorts habilement ajustés qui les faisait mouvoir au besoin pour produire le mouvement et l'illusion de l'existence. On remarquait plusieurs squelettes humains, les uns richement vêtus, chamarrés de broderies, les autres dans toute leur rigueur naturelle et qui effrayaient singulièrement les personnes admises pour la première fois dans ce pandémonium. Il aimait à horripiler les bourgeois et souvent même ses invités. Une chose qui le fit bien rire, ce fut l'ingénieuse idée qu'il eut un jour de faire passer des serpents boa entre les jambes de jeunes danseuses du corps de ballet de l'opéra qui exécutaient chez lui un divertissement en jupon court. La frayeur de ces demoiselles, presque transformées en Ève et poursuivies par des serpents à ressort, qu'on eût dit échappés du jardin des plantes, il demeurait justement dans la rue Lacépède, lui causa une si vive satisfaction qu'il prétendait longtemps après avoir cru être transporté dans le paradis terrestre lorsqu'il racontait cette agréable aventure. Une de ses élèves, celle qu'il affectionnait le plus, superbe femme, qui lui servait quelquefois de modèle et qui pouvait rivaliser de forme vigoureuse avec la Madeleine couchée d'Annibal Carache, Amandine, lui prêtait d'ordinaire le secours de son imagination pour l'ordonnance de ses fêtes. Ils s'entendaient assez bien ensemble, sauf sur deux points. Amandine avait une profonde répugnance à l'endroit des squelettes, et elle ne pouvait décider Bourguignon à l'épouser, malgré maintes promesses de sa part, et quoiqu'elle lui répondu elle-même le bruit de leur prochain mariage. Bourguignon, qui l'avait su, lui n'avait fait des reproches. Il était ombrageux à l'excès. Il crut qu'Amandine agissait ainsi pour lui forcer la main, et résolut de la punir de son indiscrétion. Fatigué de ses obsessions, il lui répondit un jour brusquement « Plutôt la mort !» Et ce fut cette réponse, très mal accueillie par Amandine, qui l'engagea à donner à ceux de ses amis qui connaissaient les prétentions d'Amandine un banquet athénien. Il avait lu, je ne sais où, peut-être dans le charmant conte de Thomas More, l'épicurien, que les anciens divinisaient la mort et la faisaient assister volontiers, sous forme de statues voilées, à leur somptueux banquet, afin de rappeler à l'homme la brièveté de la vie et l'inviter à profiter de leur présente. « Carpe diem !» dit Horace, cette fois, sans mettre Amandine dans sa confidence, puisque c'était une leçon qu'il voulait lui donner, il convia sa société habituelle à un banquet athénien. Le jour du banquet arrivé, il passa sa matinée à draper une longue robe traînante un de ses squelettes féminins au surnom de Phryné, parce que ses ossements provenaient d'un tombeau grec dont les fouilles avaient été faites devant lui dans les environs d'Athènes. Il para donc Phryné comme une idole, il lui attacha un voile sur le front. Il la plaça ensuite dans un fauteuil, sur une estrade qui terminait son atelier, et il attendit gaiement sa compagnie. Il savait qu'Amandine, très soigneuse de sa toilette, arrivait presque toujours la dernière, et qu'on prenait la liberté, le plus souvent, de se mettre à table, sans elle, sa place réservée, bien entendu, auprès du maître de la maison. Vers 7 heures du soir, les invités étaient réunis. Il prit alors la main de Frinet et la conduisit au banquet de l'air le plus respectueux du monde, et à pas compter, en lui parlant dans une langue étrangère qui n'était autre que du grec moderne. Il la fit asseoir à sa droite, au milieu de la table, s'amusant tout d'abord de la moue que fit Amandine, qui entra dans ce moment et qui vit sa place ordinaire occupée et un seul couvert en disponibilité à la gauche de Bourguignon. Elle jeta, en s'asseyant, des regards pleins de colère sur cette rivale inattendue à laquelle on donnait la place d'honneur. Tous les yeux étaient fixés sur la dame voilée. Bourguignon, s'apercevant que les convives, qui ignoraient pour la plupart ce que c'était qu'un banquet athénien, attendaient une explication avant de tremper leur cuillère dans un appétissant potage au bisque, se leva et dit gravement « Mesdames et messieurs, ce repas est un repas de fiançailles. Je suis résolu à finir ma vie de garçon. Vous l'avez sans doute entendu dire, mais on s'est trompé sur la personne que j'épouse. Ce n'est pas la charmante Amandine, que je n'en aimerais pas moi. Au contraire, je fais un mariage de raison. J'ai choisi pour compagne une immortelle protectrice, celle qui donne à mes œuvres leur véritable valeur, une déesse, la fille de l'érèbe et de la nuit, au dire des Grecs, la sœur du sommeil, en un mot, la mort, et je lui passe en votre présence mon anneau au doigt. » En même temps, il écarta le voile qui cachait la face sans yeux et sans nez, et dégageant d'un manchon la main osseuse du squelette, il insinua entre les phalanges du doigt annulaire, rattaché par des fils d'acier, une magnifique émeraude convoitée depuis longtemps par Amandine. Cela jeta un froid parmi les assistants. Le potage eut encore le temps de refroidir. Mais, comme on était habitué aux excentricités du peintre, ses amis les plus intimes, qui n'ignoraient pas d'ailleurs qu'on dînait toujours très bien chez lui, finirent par trouver la plaisanterie admirable. On se raffermit et l'on ne perdit pas un coup de dent. Le dîner du reste était délicieux. Amandine elle-même, remise de sa première émotion, fit un excellent accueil à un buisson d'écrevisses qui trônait au milieu de la table. Amandine adorait les écrevisses. Cependant, en regardant bien la façon saccadée dont elle les épluchait, on ne pouvait guère se dissimuler que la plaisanterie lui paraissait un peu forte et qu'elle en tirerait vengeance tôt ou tard. Bourguignon fut d'une gaieté assez communicative, en dépit de quelques galanteries un peu prolongées à l'adresse de sa fiancée. Il fit servir, dans les 5 ou 6 verres qui étaient devant elle, diverses espèces de vins et les but lui-même. On s'égaya. La conversation devint très animée. Les esprits s'échauffèrent. Les propos furent bientôt échangés d'un bout de la table à l'autre. On parla de l'immortalité de l'âme, de Platon, de Caton d'Utique, d'Alcibiade et de la queue coupée de son chien. On ne se comprit plus, mais on parla toujours. Un orateur monta sur le bout de la table pour faire un discours politique. Les clameurs de l'assemblée le forcèrent à se rasseoir. Amandine circula autour des convives pour recueillir des compliments sur sa coiffure, une des plus élégantes qu'elle eût encore essayée, et Dieu sait si elle en essayait. Elle s'approcha de Frinet et lui serra la main, ce qui obtint de vifs applaudissements comme un trait de bonne grâce. Enfin, un jeune journaliste, pour qui les 14 vers d'un sonnet n'étaient qu'un jeu, en improvisa un, non sans défaut, mais suffisant à la circonstance, en l'honneur de la mort. Ces journalistes, ceux qui font des vers surtout, ont un courage à toute épreuve. Lorsque les convives se furent retirés après le café, les hommes comblés de cigares, les femmes de bijoux qu'on avait passées dans une assiette parmi les plats de dessert, l'amphitryon fit desservir et éteindre les nombreuses bougies qui éclairaient la salle à manger, puis, demeuré seul, il déshabilla sa fiancée et la rapporta sur l'estrade, non loin de l'alcôve où il couchait, et devant laquelle brûlait une lampe antique achetée par lui dans les ruines de Pompéi. « C'est Amandine qui doit être colère, » dit-il, en essayant de rire encore. Mais il n'y parvint pas. Il ne riait plus. Soit que de trop fréquentes libations eussent engourdi son cerveau, soit que le vin qu'il avait bu dans le verre de la mort troubla ses idées, elles avaient pris une allure moins plaisante. Il éprouva un malaise qui tenait presque du remords. Il avait comme un vague sentiment de profanation, de sacrilège. Il voulut pourtant reprendre son émeraude, mais, ô prodige, les doigts du squelette s'étaient refermés dessus, il ne put la détacher. « Voilà bien, » pensa-t-il en se déshabillant, car il se sentait une invincible envie de dormir, l'effet des sottises dont on berce notre enfance, des contes de bonnes femmes dont on nous fait peur et qui nous poursuivent jusque dans l'âge mûr. Je recule devant cette carcasse, je ne suis pas un véritable Athénien. » Il s'approcha de son alcôve et se jeta sur son lit. Il s'endormit presque aussitôt, non sans avoir prêté l'oreille à un bruit de pas derrière les tapisseries. Quelqu'un de ses convives, sans doute, qui, surpris par l'ivresse et ayant glissé sous la table, s'était réveillé et s'en allait. Son sommeil fut agité et ne dura pas longtemps. Il entendit les 12 heures de minuit chantées par un coucou qu'il avait rapporté de Bade et rouvrit un moment les yeux. Il les promena autour de lui. Deux vautours des Pyrénées, suspendus au plafond, battirent des ailes et attirèrent son attention. Puis, voilà que tout à coup, le squelette se leva et s'approcha du lit. Une sueur froide lui glaça le corps. La mâchoire du squelette remua, et il entendit une voix qui disait « Je suis ta compagne, tu l'as dit. Et c'est donc là le cas que tu fais de moi. J'ai droit de prendre place au lit nuptial, j'y prends place. » Le squelette se baissa en même temps, et ses bras serrèrent l'artiste comme dans un étau. Bourguignon ne savait trop si c'était un songe ou la réalité, comme un homme qui se réveille en sursaut au moment où il croit tomber dans un précipice. Il sentait néanmoins les doigts crochus lui entrer dans les chairs, et s'écria, avec une profonde terreur, dans un accès de délire, « Grâce, grâce, ô mort, j'ai eu le tort de jouer avec toi, je l'avoue, mais excuse d'enfant. » Reprit la voix, « Tu es à moi, tu m'appartiens et je ne te quitterai pas. »« C'est ce que nous allons voir. » Repartit Bourguignon, qui, reprenant un peu de lucidité, venait de s'apercevoir que la voix se faisait entendre à une certaine distance du squelette qui l'embrassait et dont il brisa les os avec fureur. Le squelette tomba en morceaux au bord du lit. « Qui donc se permet cette lugubre plaisanterie ?» cria-t-il en courroux, mais avec un heureux soulagement. « C'est moi, » répondit Amandine en se montrant, « c'est moi, et tu l'as bien mérité. C'est moi, que tu préféreras sans doute maintenant à la mort. » « Ah oui, » ne put s'empêcher de dire Bourguignon, « tu vaux mieux, assurément. » Amandine se pencha sur lui, et les lèvres fraîches et veloutées de cette vivante créature calmèrent un peu son agitation. « J'ai promis de t'épouser, » dit Bourguignon en l'attirant sur son cœur. « Je tiendrai ma promesse. »« Enfin !» s'écria Amandine au comble du bonheur. Cette promesse, il ne devait pas la tenir. Une fièvre ardente s'empara de lui avant l'aurore, et le lendemain, la mort avait ressaisi sa proie. Elle avait emporté son imprudent fiancé dans le tombeau. Voilà ce qu'on appelle une farce d'atelier. Elle m'a été contée par Amandine, qui s'est consolée depuis, mais qui a conservé longtemps une terrible impression de cette fatale nuit. C'était Un banquet athénien par Hippolyte Lucas.